Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui, à 16h39. Salam alaikum, DJ Hamida, au platine, on est al. J'espère que tu vas bien, à mon avis, tu dois être en studio. Avec Cyril Iradi, Khajat Sif 2014. Il a ma quinze dédicace de l'arabe, ou la kalash, ou la chihaja de l'mknes. Wallah, mouk menchri le sidi, gaa. Wallah, t'as un téléchargé, billah. Qsim billah, khoya. Anna n'goul halek. Salam ala khou kalash. Ah ouais, qui t'allah fina, qui s'qsi fina, dima. Yallah, t'allah khoya.